On avait donc 7 nouvelles entrées cette semaine. Et quand on dit nouvelles entrées, on dit aussi dire au revoir à des pièces qui ne sont plus sur le palmarès. Ah, ça, j'aime ça. T'aimes ça? C'était ça qu'il y a des quêtes nous pièces. Des quêtes nous pièces. Ben oui, là, quand on les a excusez, c'est comme la troisième émission de la journée. Je commence à déparler. Pas on, toi? On est là beaucoup ouais, en ordre aujourd'hui. Oui, il me semble qu'on a passé la journée dans le studio. Hein? On est bien fait pour ce studio-là. Je pense qu'il nous aime. La forme du micro est tapée un peu. Tu sais, comme une forme d'oreiller là, quand tu te réveilles. Oui, c'est ça. Bon. Hey, qui dit pièce qui nous quitte? Hein? Dis bye bye les autres. Bye bye. Palma, rest in peace. Just mountains of change. C'est les pièces qui nous ont quittés depuis la semaine dernière. Un dimanche matin qui dure jusqu'au lendemain. Avoir le temps de prendre son temps. Même l'horloge est collée off. Ce soir, y'aura pas de la scale. Ça va, ça va. J'suis content d'être là. J'suis content d'être là avec toi. Un courrier d'asphalte fraîche pour mettre mes initiales. Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle. Des extraits des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou pendant la semaine du 29 avril 2013. Nous a donc quitté la pièce Ça va, ça va de Tremblay qui est restée 5 semaines. Avec podcast, qui est dommage que tu sois pris, qui a duré un record, mais de par en bas, 2 semaines, toi. Ça arrive jamais, ça. Ensuite, on a Modern Superstitions et la pièce Last Night's Dress qui est restée un respectable 8 semaines. Oui, mais The Bicycles avec Appalachian Mountain Station a duré 7 semaines. Ensuite, Elephant Stone et Setting Sun qui est resté 7 semaines. André Papanicolaou avec You Can't Lose If You Don't Play qui malheureusement a duré seulement 3 semaines. Et finalement, Tao and the Get Down Stay Down avec la pièce City qui est restée 7 semaines mais que je continue à écouter en boucle chez moi. Je peux pas croire qu'on se débarrasse de Tao and the Get Down Stay Down mais que David Bowie reste pas marrant. C'est mon Dieu. commentaire éditorial ici. Donc voilà pour Palmer Rest in Peace. On dit au revoir à 7 pièces, mais on en accueille 7 nouvelles qui vont faire un bout de chemin avec nous pour l'été. Et surtout, ce palmarès-là dure du 29 avril au 12 mai. Donc, ils ont une semaine bonus gratuite, freebie, comme au bingo. Ils ont intérêt à être bonnes. C'est ça.